Exercice 2, page 119. A. 28. B. Accentué. C. Suivant. D. Pollueur. E. Suédois. F. Trois quarts. G. Voyage. H. Continuons. I. Shampoing. J. Tunisois.